France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique au Mangin Palace, épisode 113. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 23 mars 2008, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es joyeuse chien-lit ou gay Lussac, tu es perfite ou con bendit, tu es la nuit des barricades, tu es 2001, l'odyssée de l'espace où le gendarme se marie, et tu es aussi... En 1968, la règle c'était de faire de l'élève l'égal du maître, de supprimer la hiérarchie des valeurs, il fallait jouir sans contrainte, il n'y avait plus de règles, sous les pavés, la plage. Oui, tu l'as bien compris l'ami, ce matin tu bouscules la France de papa, tu es mai 68. Alors, depuis vendredi dernier, France Inter célèbre le 40e anniversaire de mai 68. Sans doute dans l'intention d'offrir aux jeunes générations un mode d'emploi pour fomenter une nouvelle révolution. Et pourtant, M. Sarkozy nous a bien dit qu'il fallait tourner la page. Aussi, afin de respecter les vœux présidentiels, nous avons décidé de traiter différemment cette commémoration. La réforme, oui, la chien-lit, non. C'est pourquoi la panique au Mangin Palace va donc revisiter ce matin, durant 53 minutes, entre matraque et pavé, les événements de mai 68. Et pour commencer notre décryptage, des origines profondes à l'embrasement général, nous allons te révéler ce qui n'est jamais abordé, la réalité des événements de cet étrange mois de mai 68. Ensuite, durant quelques minutes, nous tenterons de découvrir comment la vieille France a tenté à l'époque de résister à cet esprit 68-art fait de débauche et d'insolence. Et dans la foulée, afin de rassurer nos amis conservateurs, nous t'offrirons un petit montage sonore made in panique pour constater qu'apparemment, la page de mai 68 est définitivement tournée. Et puis, nous avons voulu te dévoiler comment notre petit village de Grosboules-les-Bains a vécu ces événements révolutionnaires dont nous célébrons cette année le 40e anniversaire. Et enfin, nous retrouverons Monique et Jean-Claude qui ont vécu hier après-midi l'esprit de mai envahir leur baraque puisque leur môme voulait définitivement renverser l'ordre établi. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez! C'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et sois réaliste, demande l'impossible. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to I love you, won't you tell me your name? Hello, Hello, I Love You, c'est le pavé lancé en 1968 par les Doors sur leur album intitulé Waiting for the Sun, autrement dit En attendant le soleil. Ainsi donc, Jim Morrison était une fois de plus en symbiose avec la jeunesse de son époque, puisqu'en 1968, c'est le printemps en plein hiver à Prague, ça chauffe aussi dans les universités italiennes et c'est l'orage dans les campus américains suite à l'assassinat de Martin Luther King. I have a dream today. Alors, tu l'as compris, l'ami, ce matin, la panique au Mangin Palace a donc décidé de s'intéresser à une période complètement délaissée par les médias en ce moment, à savoir mai 68, bien sûr. Et pour commencer cette émission, afin de mieux comprendre le mois de mai 68, nous avons avec passion compulsé toute l'œuvre de Tacite et toute celle de Suétone, afin de savoir ce qui s'est réellement passé en ce mois funeste de mai 68 après Jésus-Christ, qui a vu la chute de Néron et la fin de la dynastie julio-claudienne. Néron est arrivé à la tête de l'Empire romain en 54 après Jésus et en a été chassé. En mai 68 donc, un règne de 14 ans, soit deux septennats. Ses premières années au pouvoir sont plutôt consciencieuses, même si Néron trompe Octavie, sa femme, avec Claudia Actée, une esclave affranchie qu'il adore. Si je racontais nos fantasmes et comment tu prends ton orgasme, comment tu peux trouver suave de jouer ma petite esclave, comment c'est bien plus rigolo d'être ton petit gigolo, comment parfois je tyrannise tendrement ma pute insoumise. Oui, bon ben, il est tout excité Néron quand il succède à l'empereur Claude, et puisqu'il n'a alors que 17 ans, il est tout fou. À ses côtés, pour gouverner, il a sa mère Agrippine qui le conseille et qui lui fait même parfois quelques petites remarques. Arrêtez Néron, j'ai deux mots à vous dire. Britannicus est mort. Je reconnais les coups. Je connais l'assassin. Et qui, madame? Vous! Moi! Mais non, Néron n'a pas tué l'empereur Claude. Il a juste zigouillé Britannicus, son frère adoptif, mais aussi sa mère Agrippine, et sans doute sa femme Octavie. En gros, rien d'anormal pour un julio-claudien. Là où le règne de Néron part en vrille, et qui annonce mai 68 justement, c'est quand a lieu le grand incendie de Rome en 64 après Jesus Christ. Toute la ville brûle, sauf le Palatin naturellement. Et le vieux quartier au-delà du Tibre. Un brasier dévorant dont les flammes jaillissent de milliers de toits. Pétrone, contemple ma création. Tigellin, ma robe de deuil. Terpnos, ma lyre. L'histoire jugera mon ode, Pétrone. Ça y est, le grand incendie, y'a le feu partout, emergency, hommage à l'art-pompier. Ainsi, en 64, l'incendie de Rome dura 9 jours et ravagea toute la ville. Bien qu'il soit peu probable que Néron l'ait commandité, l'empereur en a très vite porté la responsabilité. Et oui, Néron voyait sa cote de popularité chuter. On critiquait sa pratique du pouvoir et son faste trop ostensible. On rejetait sa propension à s'exposer dans l'arène, ainsi que ses prises de parole poétiques. Eh oui, Néron se sent souvent plus artiste qu'empereur, et à l'exercice du pouvoir, il préfère la comédie et la chanson. Y a pas de saison pour que vive la musique au fond, pas de saison pour que vive le son. On marche en tudonie. Ce refrain qui te plaît, et tu tapes, tapes, tapes, c'est ta façon d'aimer. Le tourbillon d'un vent de folie, c'est ce qu'a connu l'empereur Néron en mai 68. Pour lui, ce fut terrible. Primo, Gaius Julius Vindex, le gouverneur de la province de la Gaule lyonnaise, s'est rebellé contre l'empereur. Bon, Vindex, il a beau être chevalier romain, quand il constate les dérives impériales de Néron, il se souvient très bien qu'il possède quelques origines gauloises. Avec César, Julius Superstar. Hélas pour lui, en plus de la révolte de Vindex en Gaule, Néron subit les soulèvements de Galba en Égypte et de Lucius Claudius Macère en Afrique. Et pour compliquer la situation, Néron est obligé d'envoyer Vespasien en Judée pour y mater la révolte des Juifs soulevée contre les Romains. Et voici les fusées, les premières fusées qui arrivent. Attention ! Attention ! Les premières fusées tout près de nous. Ne vous appelez pas, c'est des manifestants, mais la rue est envahie complètement. Il y a un barrage qui flambe. Les gens aux fenêtres essaient toujours de jeter des seaux d'eau sur ces incendies. La dernière barricade maintenant va être attaquée dans quelques temps. Les étudiants fuient en direction de la rue Claude Bernard. Maintenant on en pleure, enfin les grenades lacrymogènes fusent déjà à la hauteur de cette rue Claude Bernard. Vous voyez que la progression des forces de police est importante et qu'ils ont maintenant pratiquement le terrain conquis. Et effectivement, les Romains reconquièrent la Judée. Alors voilà, en mai 68, tout le monde se révolte contre l'empereur Néron qui se suicide au tout début du mois de juin en proclamant « Quel artiste meurt avec moi ?». Désormais, on en sait donc un peu plus sur ce qui s'est réellement passé en mai 68, c'est la chute de Néron. Et ainsi, tout le monde comprend mieux pourquoi Nicolas Sarkozy préfère tourner la page de mai 68 et pas de mai 1968. Et c'est normal, puisqu'en 1968, ça n'a pas été une fin de règne. Bon, c'est vrai, cette année-là, il y a bien eu quelques jeunes gens dissipés et quelques motos sauvages. Quand je vois les motos sauvages qui traversent nos villages, venues de Californie, de Flandre ou bien de Paris, quand je vois filer les bolides, les cuirs fauves et les cuivres qui traversent le pays. Dans le métal et le bruit, moi je pense à la cavalerie. Moi je pense à la cavalerie. Quand s'éloigne la tourmente, quand retombe la poussière pesante et que sombre le pays dans le sommeil et l'ennui. Comme dans les films héroïques, aux moments les plus critiques, quand tout coule dans ma vie, quand tout semble compromis, moi j'entends la rabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarab la cavalerie. Un jour je prendrai la route, mais aille coûte que coûte. Je traverserai la nuit pour rejoindre la cavalerie. J'aurai enfin tous les courages, ce sera mon héritage et j'abolirai l'ennui dans une nouvelle chevalerie. Moi, je pense à la cavalerie. Moi, je pense à la cavalerie. La cavalerie. C'est celle que sonnait en mai 1968 le tout jeune Julien Clerc. C'est vrai qu'à l'époque, la cavalerie, tout en bleu bien sûr, était très à la mode. Sécurité. Oui, alors maintenant, après avoir appris qu'en mai 68, ce fut avant tout la chute de l'empereur romain Néron, il est temps désormais de découvrir quelle fut la France du premier trimestre 1968. Oui, mon ami, sais-tu dans quel contexte précisément les jeunes gauchistes ont amorcé leur révolution ? Eh bien, en mars 1968, il y a tout juste 40 ans, la France de l'époque était bien différente de la nôtre. La droite était au pouvoir et Georges Pompidou était un premier ministre populaire dans l'ombre du Grand Charles. À l'Assemblée nationale, les députés débattaient vivement sur l'opportunité ou non d'insérer de la publicité sur les antennes de l'ORTF. Quant aux sportifs français, ils préparaient leur participation aux Jeux Olympiques d'été de Mexico, tandis que les actualités nous rappelaient régulièrement que les soldats de l'armée américaine s'embourbaient loin de chez eux au Vietnam. Non, vraiment, soyons tranquilles, rien à voir avec aujourd'hui. C'est alors que le 22 mars 1968, quelques étudiants masculins enragés et obsédés sexuels de surcroît se sont emparés des locaux de l'université de Nanterre afin d'obtenir le droit d'accéder au dortoir des jeunes filles. Ce fut donc le début d'une effrayante vague de révolte qui secoua brutalement la douce France du gendarme de Saint-Tropez. Face à cette jeunesse endiablée, nos paisibles bourgeois furent affolés, bien entendu. C'est ainsi qu'Alain Perfitte tenta de leur apporter quelques réponses début avril pour apaiser leurs angoisses légitimes. La première question qui vient à l'esprit est : s'agit-il de cannibales ? La réponse est non. Le cannibalisme, au sens étymologique du mot, désigne des variétés d'humains qui dévorent leurs semblables. Or, nous sommes en présence de créatures inhumaines qui ne se mangent pas entre elles, mais qui s'attaquent aux humains. Je conviens que ce phénomène est troublant, mais il ne faut pas nous apitoyer à la pensée qu'ils ont pu autrefois être des amis ou même un de nos parents. Ce serait une erreur grossière. Non, ils n'ont plus ni cœur ni entrailles, alors sachons être impitoyables, détruisons-les sans hésitation. Oui, devant le défoulement hédoniste décomplexé que professaient les jeunes gauchistes, les forces de la réaction étaient inquiètes. Une seule solution, étouffer cette foutue révolution avant qu'il ne soit trop tard. En premier lieu, nos amis conservateurs ont essayé de discréditer intelligemment ce mouvement révolutionnaire auprès de la jeunesse française non encore contaminée. Si M. Kennedy aujourd'hui revenait, ou si M. Gandhi soudain ressuscitait, ils seraient étonnés quand on leur apprendrait que pour changer le monde, il suffit de chanter da da da dam dam da da da dam dam, et surtout avant tout d'avoir les cheveux longs, crier dans un micro je veux la liberté, assis sur son derrière avec les bras croisés. Seulement voilà. Malgré le retour de cette rengaine redoutable, le mouvement de contestation des branleurs prit de l'ampleur. L'affrontement avec les forces de l'ordre fut de plus en plus violent et au tout début du mois de mai, nous étions proches de l'insurrection générale. Ainsi, devant les effroyables émeutes et les barricades parisiennes, pour sauver la France de papa qui sombrait, les conservateurs pur jus ont alors pris la décision de monter eux-mêmes au front national. Claude Dantlara, est-ce que, à votre avis, le langage cinématographique a évolué ? Sous quelle forme ? Et êtes-vous d'accord avec cette évolution ? Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'évolution qui a été donnée depuis une dizaine d'années au langage cinématographique, parce que c'est une évolution vers l'abscon, vers l'hermétique, vers le cérébral et vers l'intellectuel, c'est l'envers même du cinéma. Mmh. Je trouve que la Nouvelle Vague a fait un très vilain travail et un très mauvais travail. Alors faire des galipettes devant un appareil, mettre des plans au hasard comme on bat les cartes, ça tout le monde peut le faire, vous comprenez, on peut épater le bourgeois, c'est très très facile. Mais raconter bien une bonne histoire que l'on prend à bras le corps et émouvoir les gens, ça c'est un peu plus du rail. Et c'est ça qu'ils ne savent pas faire, et c'est justement pour masquer leur ignorance et leur impuissance et leur incapacité qu'ils s'amusent à épater le bourgeois. Eh bien, figure-toi que devant un tel discours aussi... je ne trouve même pas les mots tellement tellement c'est con et réac, eh bien figure-toi que devant un tel discours, les jeunes sauvageons 68ards n'ont rien voulu entendre. Aux yeux des bourgeois, ils ont préféré peinturlurer les statues ou graffiter les murs d'insanités puériles et débilitantes. Logiquement effrayés par ces hordes sauvages, sache que la bourgeoisie française, au cœur du mois de mai 68, a tout de même fait preuve d'un courage exceptionnel. Dès aujourd'hui, organisez vos futures vacances. Loin de la foule des grandes villes, vous retrouverez la joie de la liberté au cœur de la solitude. Vous qui travaillez comme tout le monde, reposez-vous comme personne. Mais confiez le soin de vos loisirs à des spécialistes. Au siècle de l'organisation, il ne faut plus improviser ses vacances. Des loisirs sans planning, c'est un repas sans fromage. Vacances sur mesure, plaisir sans mesure. En effet, préférant mener la lutte à distance, les conservateurs se sont alors réfugiés dans leur maison secondaire, planquée en province. Puis ils sont revenus en juin, enfin requinqués et braves, pour voter et offrir à De Gaulle un suffrage à 60%. Malgré les plus vives inquiétudes, donc, ouf, la France éternelle fut sauvée et l'esprit de mai enterré pour longtemps. Maman ? Oh mon Dieu ! Oh Danny ! T'inquiète pas, maman, tout va bien. Oh, j'ai si peur pour toi. Les voisins ont acheté un téléviseur. Ils t'ont vu sur les barricades. N'écoute pas ce que disent les journalistes. Mais Danny, pourquoi tout ça ? La révolution est possible, maman. Oh, je t'aime tellement. C'est quoi cette merde? Ben c'est la scène 34 où Danny le Rouge rentre chez sa mère. Je le vois bien du con, mais y a rien qui te choque, toi. Le rapport mère-fils, trop passionnel, c'est mais ça. Mais qu'est-ce que je m'en branle de ça? Elle pourrait être à poil, ce serait peut-être même mieux. Calme-toi, Patrick. Je ne vois pas. Mais t'as de la merde dans les yeux. En prime time, tu mets une vieille qui lave son linge à la main. À cette heure-là, on fait de la télé pour vendre du lave-linge. Tu veux qu'on ferme la baraque ou quoi? Ben, ils sont pauvres, et en 68, tout le monde n'avait pas de machine. Mais on s'en fout, ça, c'est une fiction. C'est de l'art. De l'histoire romancée, faut faire rêver les cons. Je sais, mais... Il faut revoir le casting. Il nous faut des personnages plus fédérateurs. Voilà, des vedettes. Allez, dégage. Kenavo. Kenavo, oui. Alors maintenant, justement, pour ceux des gauchistes qui souhaiteraient encore revendiquer l'héritage de mai 68, eh bien... Grâce à un petit montage made in panic, nous allons leur démontrer que la page est définitivement tournée. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Les héritiers de mai 68 ont affaibli l'idée de citoyenneté. En dénigrant la loi, l'État, la nation... Les héritiers de mai 68 ont favorisé la montée de l'individualisme. Après ces deux grands succès, Gaucho, tu vas prendre froid et tu peux toujours gréver, Mathieu Mireille revient dans un live époustouflant. Écoutez-les, les héritiers de mai 68, cultivez la repentance. Je déteste la repentance car je suis fier de l'histoire de France. D'abord, il y a eu 36. Mai 68 et puis 95. Je veux tourner la page de mai 68 une bonne fois pour toutes. Mais on est plus où je paie et les grandes gueules, il est bon la fermer. Cette fois-ci, c'est bien fini, monsieur Sarrazin. Mais regardez comme c'est intéressant. Les héritiers de ceux qui en mai 68 criaient CRSSS, eh bien aujourd'hui les héritiers prennent systématiquement le parti des voyous, des casseurs et des fraudeurs contre la police. Tournez la page de mai 68, tournez la page de mai 68, tournez la page de mai 68. CRS égale tendresse. CRS égale tendresse. L'idéologie de mai 68 sera morte. Le jour où dans la société, on osera enfin rappeler chacun à ses devoirs. Mais ça existe encore cette histoire, le mariage? Mais sais-tu que ta mère et moi, on a toujours vécu tous les deux librement ensemble? Et avec celle que tu as toujours appelée Tati? L'idéologie de mai 68 sera morte le jour où dans la politique française, on osera proclamer que dans la République, les devoirs sont la contrepartie des droits. Ce jour-là, enfin, sera accomplie la grande réforme intellectuelle et morale dont la France a besoin. Le clergé avec nous, le clergé avec nous, le clergé avec nous. Alors nous pourrons reconstruire sur des bases renouvelées la République fraternelle, qui est le rêve toujours inachevé, toujours inaccompli de la France. Bon courage! Parce que vous allez en chier! Vous allez en chier comme les autres! Bon courage! Vous allez savoir ce que c'est que d'en chier maintenant! Au revoir! Merci à tous! You made a man out of me, but you're not satisfied. You made believe what you see. You made believe when I got a million things on my mind, plus you. Set Me Free, c'est la proposition des quatre British qui forment le groupe The Ivy. Mais ce fut également les mots employés par le recteur de la faculté de Nanterre en mars 68, lorsque pour la première fois il reçut la délégation estudiantine menée par Daniel Cohn-Bendit et six compères. Je cite, « J'ai peur, ces sept-là m'effrient beaucoup ». Alors maintenant, afin de prolonger nos pérégrinations au cœur des méandres de mai 68, nous avons voulu te dévoiler comment notre petit village de Grosboul-les-Bains avait vécu les événements révolutionnaires dont nous célébrons cette année le 40e anniversaire. Oui, que s'est-il passé dans cette bourgade fleurie au printemps 1968 ? À l'époque, Grosboul-les-Bains demeurait encore une contrée où l'agriculture constituait l'activité économique principale. Là-bas, nombreux furent les paysans conservateurs qui jugèrent d'un œil sévère ces enfants de la bourgeoisie parisienne qui revendiquaient l'interdiction d'interdire sur les barricades. Cela dit, à Grosboul-les-Bains précisément, aucune manifestation n'avait véritablement vu le jour, encore que si. La seule apparition de l'esprit de mai à Grosboul eut lieu le 29 avril 1968, vers 20h. En attendant que les Shadocks se lassent de pomper, les gibis sont partis en vacances à la campagne. Ils en profitent pour se faire de nouveaux costumes. Il faut dire qu'en ce temps-là, quand ils voulaient changer de costume, les gibis mangeaient. Si un gibi mangeait des fleurs, ça lui faisait un costume à fleurs. Si un autre gibi préférait les petits pois, le lendemain, hop, il avait un petit ensemble à pois. Tandis que pendant ce temps-là, les chadocs, eux, pompaient, pompaient, pompaient. D'autant plus que la planète Chadoc recommençait à se déformer et donnait des signes de désagrégation imminente. Telle une allégorie du mois de mai, les paysans gros boulets se voyaient plutôt tels des chadocs qui pompaient dur pendant que les étudiants en costume à fleurs n'en foutaient pas une à Paris. Mais encore une fois, le calme de la campagne ne fut point trop perturbé. Dans les archives de la presse locale, on recense un seul exemple de mouvement social à Grosboules-les-Bains en mai 68. Une centaine de footballeurs amateurs ont occupé le siège de la Fédération de football. Nous nous sommes rendus sur les lieux et nous avons pu constater effectivement qu'il y avait un drapeau rouge avec une banderole dessous qui indiquait le football aux footballeurs. Lorsque nous sommes arrivés, l'on m'a remis un tract qui est intitulé « Le football aux footballeurs ». Je vous lis les premières lignes. Footballeurs appartenant à divers clubs, nous avons décidé d'occuper aujourd'hui le siège de la Fédération de football, comme les étudiants occupent leur faculté. Le football aux footballeurs, tel fut donc l'unique slogan 68art graffité sur les murs de Grosboules-les-Bains. En réalité, les villageois ne s'intéressaient guère aux enjeux de la révolution sociale et pour eux, le printemps 1968 serait un printemps de plus. Jusqu'au soir du 29 mai, où là, certains gros boulets ont commencé à flipper. Vous n'êtes pas au courant ? Au courant de quoi ? Mais ça y est. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça y est, c'est le grand soir. Vous n'avez pas écouté les nouvelles ? Non. De Gaulle a quitté Paris ? Quoi ? On ne sait pas où il est. Il est peut-être mort. Et vous savez, l'anarchiste allemand est rentré. Où est le Cohn-Bendit ? Il a donné une conférence de presse à la Sorbonne. Non. Il y a des drapeaux rouges partout. Ils ont des armes. Non, ça y est, je vous dis, ça y est. Pompidou va démissionner si c'est pas déjà fait. Il est peut-être déjà en Suisse, lui. Les communistes ont décidé de tout faire sauter. C'est clair. Non, c'est le vide du pouvoir. Le vide absolu. Tout s'écroule. Et l'armée ? Mais l'armée est divisée. On ne peut absolument pas compter sur l'armée. Nous n'avons plus l'armée. Et vous savez, les blindés russes sont à 2 jours de Strasbourg. Oui. À 23h30, ce 29 mai 1968, on venait de frapper à la porte de l'auberge de Grosboules-les-Bains où quelques villageois apprenaient avec stupeur le départ du général. La trouille au ventre, pensant trouver face à lui un officier de l'armée rouge, le patron du Chat-qui-pète ouvrit la porte. Là se tenait un jeune homme, les traits tirés, qui venait simplement réclamer l'hospitalité pour une nuit. Une fois dans l'auberge, immédiatement, l'une des villageoises de Grosboules reconnut son visage. On l'appelle Dani, toutes les femmes sont folles de lui. Aussi quand vient la nuit, on entend dans le bruit comme un cri. Oui, incroyable, mais Dany le Rouge était de passage au village. De Gaulle était à Baden-Baden pendant que Cohn-Bendit était à Grosboules-les-Bains. Flattés par la célébrité de leur visiteur du soir, les gros boulets oublièrent très vite la méfiance qu'aurait pu leur inspirer ce jeune agitateur gauchiste. Ils proposèrent même à Dany de grignoter un truc, ce qui permit à certains villageois de lui poser quelques questions essentielles. Il paraît que tout le monde fait l'amour partout. Oui. À la Sorbonne, à l'Odéon. À la Sorbonne, il paraît qu'on glisse sur le foutre. Oh. Papy, qu'est-ce que c'est le foutre ? Françoise. Va coucher. J'ai pas sommeil. Bon, le patron préféra envoyer tout le monde se pioter, pensant que Grosboules-les-Bains patienterait encore un peu avant de connaître les réjouissances de la révolution sexuelle. Cela dit, le beau Dany, le Dany libertin, n'avait pas laissé indifférent certaines jeunes donzelles présentes à l'auberge ce soir-là. C'est ainsi qu'au moment de s'endormir, Daniel Cohn-Bendit entendit de drôles de bruits sur les vitres de la fenêtre de sa piaule. Là de t'attendre dans la rue, j'ai lancé deux petits pavés dans tes carreaux que j'ai crevés et tu ne m'es pas apparu. Tu te moques de tout, je crois, tu te moques de tout, je crois. Demain, je t'en lancerai trois. Si tu ne changes pas d'allure, j'écraserai tes yeux, ton front, entre deux pavés qui feront à ton crâne quelques fêlures. Ainsi, toute la nuit, les femmes de Gros Boule, manifestement excitées par la présence au village d'un jeune fougueux 68-art, avaient tenté de débaucher Dany pour la nuit. Mais le bougre resta de marbre. C'est alors que le lendemain matin, malgré lui, Cohn-Bendit avait une fois de plus semé la zizanie. Il avait déclenché une telle jalousie entre les donzelles de Gros Boule qu'il avait fallu faire intervenir les forces de l'ordre. Frénétique, l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, matraque à grands coups de mamelle ce qui passe à sa portée. Il tombe, tombe, tombe, tombe, et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Oui, l'affrontement entre les forces de l'ordre et la jeunesse féminine de Gros Boule-les-Bains fin mai 68 fut d'une violence inouïe. Pris de panique devant une telle rébellion, le maire de Gros Boule décida de convoquer immédiatement Cohn-Bendit devant le conseil des anciens du village. Et là encore, malheureusement pour lui, Dany dut affronter les valeurs de la vieille France. Je n'ai rien contre les rouquins. Encore que je préfère les rouquins bretons qui puent la moule aux rouquins juifs allemands qui puent la bière. Comme la plupart des marginaux qui ont préféré la vie communautaire au Lions Club et qui vivent... leur mouvement alternatif sans le courant continu, cet être, mesdames et messieurs les jurés, est à l'évidence à la fois psychotique et névrosé, comme aurait dû le démontrer tout à l'heure notre excellent ami le docteur Feuilly, et comme elle ne l'a pas fait, car en vérité, je vous le dis, monsieur le président, elles sont toutes folles de ce voyou apatride, dans le regard pétillant duquel elles croient lire une étrange beauté intérieure, alors qu'il s'y cache en réalité cet éclair glauque de luxure concupiscente, propre aux émigrés sataniques qui viennent jusque dans nos bras pour culbuter nos filles et nos compagnes. Bien entendu, le 30 mai 1968, le conseil des anciens de Gros Boule-les-Bains prit alors la décision d'expulser Cohn-Bendit du village. Mais vois-tu, alors qu'à Paris, on allait commencer à démonter les barricades, le passage de Cohn-Bendit à Gros Boule marqua le début d'un été 68 très sportif. Et maintenant, en direct, comme vous le disiez tout de suite, les CRS chargent. Je suis en plein dans la charge des CRS, ils contre-attaquent tandis que les pierres volent autour de nous, que les grenades explosent. C'est extraordinaire ce spectacle. Et à deux pas de là, les manifestants refluent, tandis que autour de moi, les pierres tombent de tous les côtés. Vous entendez les CRS qui crient pour s'aider mutuellement. Mais vraiment, c'est une scène d'émeute extraordinaire. Voilà une pierre qui tombe juste à côté de moi. C'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici. Une scène d'une violence inouïe. Les gaz sont lâchés, ce ne sont plus des gaz lacrymogènes. Ce sont des gaz asphyxiants, ou du moins des gaz qui font tousser. Et je suis obligé de revenir un petit peu en arrière. Oui, à Gros Boule-les-Bains, on commente une manif comme un match de foot. Et mai 68, grâce à Daniel Cohn-Bendit, durera là-bas jusqu'à fin septembre. C'est ainsi, mais on ne se refait pas. Et même encore aujourd'hui, si Dany a vieilli, il ne supporte pas le droit chemin et tant mieux. Et même si je ne marche plus tout à fait droit, même si mes pas ne sont plus ceux d'autrefois, je vais de travers, je vais. Et même si je sais que l'on parle de moi, que certains se réjouissent alors que d'autres prient pour moi, je vais et je ne les entends pas. Du courage, qu'on monte la fièvre et l'orage te rejoint tout là-haut, au-dessus de la vie. J'entends encore ta voix, c'est de là-haut que je te sens près de moi. Alors je vais et je ne redescends pas. De là-haut, on pense que je suis au plus bas, mais c'est de là-haut que je me souviens de nous en avril. Je ris de nouveau, souris. De là-haut, c'est ce que nous propose Da Silva sur son deuxième album intitulé « De beaux jours à venir ». Parce que, quoi qu'on en dise, les étudiants et les travailleurs qui ont participé à mai 68 n'espéraient qu'une chose au final, que les jours à venir soient plus beaux. Eh ben, ils n'ont pas été déçus. Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Alors maintenant, pour poursuivre notre plongée au plus profond des événements du mois de mai 1968, il est grand temps de retrouver nos deux activistes radiophoniques, le matraqueur Jean-Claude et la gauchiste Monique, qui hier, samedi 22 mars donc, ont vécu, à leur échelle figure-toi, leur petit mai 68. Tout a commencé quand Rémi a demandé s'il pouvait inviter des copines dans sa chambre. Son père Jean-Claude lui a immédiatement opposé un refus catégorique. C'est une triste décision que Rémi ne veut pas qu'on enterre. Alors il réunit aussitôt, dans le garage, une assemblée générale avec sa sœur Elsa et bien sûr son pote Danny, un Suisse allemand. Nous disons que l'État est partie prenante de l'antagonisme de classe, que l'État représente une classe. La bourgeoisie cherche à préserver une partie des étudiants, futurs cadres de la société. Le pouvoir possède la radio et la télévision et un parlement à sa main. Nous allons nous expliquer directement dans la rue, nous allons pratiquer une politique de démocratie directe. Démocratie directe ? Quand Jean-Claude entend ces mots prononcés sous son toit, ça l'inquiète. Il ne veut pas d'emmerde avec le gouvernement. Et c'est pourquoi il décide dans la foulée d'évacuer le garage où s'est réuni l'AG. D'ailleurs, Jean-Claude en profite pour expulser Danny, le Suisse allemand. Ce à quoi Elsa et Rémi protestent. Nous sommes tous des Helvètes teutons. Mais Jean-Claude leur oppose une résistance digne d'un garde mobile. Ouais, surtout avec une bonne révolution, je connais qui l'auront cherché. Ah, t'attends que ça, toi, petite pétasse. Oh, écoute, hein, ce petit côté rebelle des beaux quartiers que vous avez tous les deux, ça me fait doucement rigoler. Toi, t'as un poster de Che Guevara sur le mur de ta chambre, ça pourrait être Brad Pitt ou Johnny Depp, ça serait Kif Kif Bourrico. T'as préféré Guevara, s'il avait eu la tronche de Robert Hue, t'aurais viré à droite depuis longtemps. Alors, le symbole de la révolution cubaine, hein, c'est une bonne excuse pour tripoter la nuit sous sa moustache. Oh, comment je parle à ma fille, moi, comment je parle à ma fille, moi. Ça se dégrade ici, ça se dégrade. Eh oui, la situation se dégrade. Pourtant, Jean-Claude n'a pas tort. Elsa n'est pas insensible au charme du révolutionnaire Danny. J'ai ton poster au-dessus de mon lit. Cheveux au vent sur les barricades, tu resplendis. Avec toi, je m'imagine sur les CRS balancer des pavés. Jean-Claude s'aperçoit alors que les positions révolutionnaires de sa fille Elsa sont à comprendre dans les tourments de l'adolescence. À cause des hormones, elle n'a plus toutes ses facultés. Ce n'est pas grave, ça lui passera, pense Jean-Claude, qui est en revanche beaucoup plus inquiet face au radicalisme de son fils Rémi. On a décidé de tout faire péter, de tout casser. Voilà un bel objectif et qui ne manque pas d'ambition. Et où voulez-vous en venir exactement ? Supprimer tout ce qui sent l'argent, tout ce qui est pourri, corrompu. Il n'y a que les jeunes pour purifier le monde. Et vous pensez parvenir à ce noble objectif en bousillant quelques gros pleins de soupe qui s'envoient à des petites pétasses de 15 ans ? Mais demain matin, quand ils seront enterrés au Père Lachaise, d'autres gros pleins de soupe les remplaceront. Faudra les bousiller aussi. N'avez pas fini. Il faut tirer dans le tas si on veut que ça change. Tu sais, moi aussi, quand j'avais ton âge, j'étais un révolutionnaire. Je militais vachement avec des gars qui, aujourd'hui, sont devenus tous des pantouflards. Enfin, je te dis ça. Je suis pas le gars qui donne des conseils. Parce que d'après vous, il y a une solution, peut-être. Sûrement. Ce sucré. Toi, tu veux changer la société, moi, je l'exploite. Oh, l'autre, eh. Même pas vrai, s'écrie Rémi, quand il entend que son père a soi-disant été révolutionnaire. Tu parles, Jean-Claude, il a juste été gaulliste, puis républicain indépendant, puis chiracien, mais gauchiste, ça, jamais. Pour Rémi, c'est très clair. Son père a sans doute fait beaucoup de choix dans sa vie, mais pas celui de la révolution. Choisis ta vie. Choisis tes drogues, choisis tes partenaires, choisis ta sécurité, choisis ta voiture, ta seconde voiture, ta maison, ta femme, ton régime de couverture sociale, choisis ton parfum, son parfum, choisis ton téléviseur, ton micro-ordinateur, choisis tes banques, choisis tes aliments, choisis ton parti, choisis ton fast-food, tes vêtements, tes crédits, choisis toutes les options, choisis tes gènes, choisis tes enfants, tes vacances, ta rébellion, ta culture, ta conscience, choisis ton camp. Choisis ton camp, demande donc Rémi à son père. Mais pour Jean-Claude, le camp est tout trouvé. Il va fissa remettre de l'ordre dans la maison. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais ce que je dirai quand même, c'est que si l'ordre est rétabli, tout est possible. Si l'ordre n'est pas rétabli, rien n'est possible. Jean-Claude est assez fier d'avoir développé une dialectique imparable. Sauf que voilà... L'improbable se produit. Rémi saisit le premier bouquin qu'il trouve, en l'occurrence « Guerre et paix » de Tolstoï, un vrai pavé quoi, et le balance à travers le salon. Le pavé atterrit tout droit sur le meuble bar. Pour Jean-Claude, c'est le drame. Oh, mon whisky, les salauds. Ils ont eu le culot de me faire ça. C'est pas loyal, ça de bombarder les fûts de whisky. Jean-Claude est très en colère. Il attrape une casserole en guise de casque et saisit un concombre comme matraque. Rémi, planqué derrière le canapé, est obligé de quitter sa barricade quand Jean-Claude lui balance des giclées de la bombe désodorisante des WC en guise de gaz lacrymogène. La tension domestique est alors à son comble. Ainsi donc, à Grosboule-les-Bains, c'est l'état d'insurrection. Rémi et Elsa ont construit des barricades dans les couloirs de la maison. Jean-Claude, quant à lui, cherche à maintenir l'ordre. Mais à 17h32, c'est l'impensable. Unilatéralement, Monique décrète sa propre grève générale. Elle ne fera donc plus à manger à partir de ce soir. Jean-Claude, excédé, change alors de tactique. Il ouvre des négociations avec Monique sur le repas du soir. Ils tombent tous deux d'accord sur la cuisine lyonnaise. Ce sont donc les célèbres accords de Quenelle. Quant aux mômes, Jean-Claude utilise la manière forte. Il les expulse. Rémi et Elsa se réfugient alors chez leur copain Danny, qui leur présente tout de suite ses parents, de vrais trotskistes, affirme le jeune Danny, qui se fait immédiatement reprendre par son père. Enfin, tu connais notre passé ? Tu connais notre passé à ta mère, à moi. Tu connais quand même notre passé. Anarcho, Mao, écolo, autonome. Rémi et Elsa sont admiratifs et très impressionnés. d'être face à un couple de véritables 68ards. Fasciné, il leur demande de raconter comment ils ont vécu cet incroyable mois de mai 68. Et puis il y avait le mois de mai qui préparait ses pavés. C'est là qu'on s'est rencontrés, mouchoir sur le nez. Le monde était à refaire. Et dans ta chambre à Nanterre, c'est justement ce qu'on a fait. En ce temps-là, j'avais 20 ans. Et toi, t'en avais presque autant. T'avais un parfum de verveine et de grenade lacrymogène. Le simple mot de lacrymogène fait venir les larmes aux yeux de Rémi et d'Elsa. Ils sentent le souffle de la révolution, mais ils demandent tout de même à ces glorieux 68ards comment tout ça a bien pu se terminer. Ben, les parents de Dany répondent que c'est toujours pareil. Un petit remaniement ministériel et tout rentre dans l'ordre. Nicolas Sarkozy travaille à la composition de son gouvernement, un gouvernement dans lequel il a promis des surprises. On le rejoint tout de suite depuis l'Élysée. Alors, pour mon gouvernement, à l'économie, Cathy Guetta, à la défense, Ophélie Winter, et au ministère des Affaires étrangères, Paris Hilton. Voilà. Bon, allez, on se bigophone, hein. On se bigophone, c'est vrai qu'un coup de téléphone, c'est toujours mieux qu'un coup de matraque. Voilà, fin de l'histoire, tout est rentré dans l'ordre chez Monique et Jean-Claude. Sauf que maintenant, Rémi a gagné le droit de recevoir des copines dans sa chambre. De son côté, d'avoir vu Jean-Claude déguisé en CRS, ça a beaucoup plu à Monique. Moi j'aime galonner des compagnies républicaines de sécurité. Et quand je suis entre ses bras, rien ne peut m'arriver. La terre peut bien s'écrouler. Moi j'aime galonner des compagnies républicaines de sécurité. Je n'ai pas peur. Alors nous voici donc arrivés au terme de notre voyage nostalgique sur la planète mai 68. De Sénèque philosophe à Dany cynique, des amphis de Nanterre au théâtre de l'Odéon et des maoïstes situationnistes au Shadok pompeur, nous t'avons offert ce matin un panorama foutrement subjectif et totalement incomplet bien sûr de ce qu'ont pu être les péripéties de l'enterrement d'une certaine France à papa. Alors pour finir, on laisse le soin à tous les analystes sur LCI qui vont s'en donner à cœur joie dans les semaines qui viennent pour critiquer l'héritage à long terme de mai 68. Nous, c'est plutôt les conséquences directes qui nous intéressent. 60 mai. C'était Birkin et Gainsbourg, 69, année érotique. Chanson enregistrée en novembre 68, année prophétique. Voilà, fin du 113e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était quoi mai 68, revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine, de retour en direct sur France Inter pour un nouvel épisode archi loufoque et total foutraque. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Aux platines, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, Henri Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Claudine Lapersonne, merci beaucoup à elle. Pour toute la documentation, les recherches sonores et plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard. Merci, Flora. Merci aussi à Sarah Fleury ainsi qu'à Claire-Sophie Collet, nos deux stagiaires. Pour les Scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère. Pour toutes ces idées complémentaires, merci enfin à Jennifer Guillot, documentaliste de l'INA. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la Panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès dimanche prochain à 11h et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode. Mais en attendant, d'ici là, surtout, ne lâchez rien. Ciao. Ce que je peux vous dire, c'est que le général de Gaulle a conclu cette réunion par le mot suivant : la réforme, oui, la chienlit, non.